Bon, j'espère que c'est pas complètement un désastre. Je m'appelle Bob, et je suis plombier dans le Connecticut. Ouais, t'as fait une affaire. Jennifer, collectionneuse d'œuvres d'art à Atlanta. Alors, c'est quoi ton avis? Moi, c'est Emily, et je tiens une boutique d'antiquités à New York. Ça ferait bien pour décorer le salon, tu trouves pas? Mais on est censé les revendre, ces trucs-là, t'es au courant? Ben. Et Janet. On est mariés depuis 8 ans. Et on tient une quincaillerie à Chicago. 2500! Ah, putain, non, c'est mort pour moi. Je m'appelle Harold, et je suis de Portland, dans l'Oregon. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis en recherche d'emploi. D'ailleurs, si vous avez besoin de quelqu'un pour nettoyer des ch**, je vais apporter 6 candidats pour se disputer le magot. Cette semaine encore, les conteneurs s'arrachent à l'enchère. Qui fera des affaires et qui va se ruiner? C'est tout de suite dans Enchères et en os. Aujourd'hui, Jack, notre commissaire priseur, a donné rendez-vous à ses enchérisseurs à Cleveland, Ohio. Mais la zone portuaire ne semble pas être au goût de tout le monde. On est sûr que c'est là? Nom de Dieu. Oh, quel bled paumé! Ça me donne la nausée de voir ce qu'est. J'espère que le butin sera intéressant. Le coin me fait penser à mon enfance, c'est bon signe. D'ailleurs, j'ai cru voir passer un oiseau blanc, et ça aussi, je crois que c'était un signe. Putain, vous avez vu ces saloperies de conteneurs dégueulasses? Il doit y avoir tous les clodos du coin qui viennent faire ch*** leur kleps ici. Ferme-la un peu, tu veux? Ta gueule, toi! Non, toi tu la fermes. Toi, ferme ta gueule! À peine arrivé que Bob et Harold se chamaillent. Commence pas à nous les briser, tu veux? Je fais ce que je veux, trou duc! Ça va être long, mais long! Bonjour à tous, je suis Jack Moore! Et bienvenue à En chair et en os. Ouais. On est là pour se faire un max de pognon et trouver des trésors incroyables, pas vrai? Non. Ah ouais, bon, ils croient tous qu'ils vont gagner quoi que ce soit. Mais je sais bien que c'est moi qui vais rafler les meilleurs lots. J'espère enfin tomber sur un truc intéressant. C'est pas avec ce qu'on nous a proposé jusqu'à présent que je vais faire des affaires. Jenny n'achète jamais rien. À chaque fois c'est « j'attends un meilleur lot ». Elle sert à rien. Tant mieux. Je vous rappelle les règles. Vous avez 3 minutes pour regarder à l'intérieur du conteneur. Avec interdiction de rentrer ou de toucher. Après quoi, les enchères commencent. 3 minutes, c'est plus qu'il m'en faut pour deviner le prix d'un objet. Et je suis très bon. Tu te fous de moi? La dernière fois, t'as vendu un piano à queue pour 40$. Et moi au moins, les trucs qu'on achète, je les revends. Hein. Ok, c'est l'heure du premier conteneur. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Je vous entends pas, est-ce que vous êtes prêts? Oui! 1, 2, 3! Ouais, ça peut être intéressant. Fais voir. Il y a pas mal de bidules dans ce premier lot. Ça vaut le coup de s'y intéresser. Il y a une vieille télé au fond, une Tashima. Mes parents avaient la même dans le temps. Un écran cathodique aujourd'hui, ça vaut plus rien. T'as vu, il y a une télé. Ben, on en a déjà une. Mais on est censé les revendre, ces trucs-là, t'es au courant? Toutes ces vieilles c'est pas intéressant. C'est pas le genre de que je suis venu chercher. Certains trucs peuvent se vendre à un bon prix. Le grand miroir doit valoir au moins une centaine de dollars. En tout cas, la commode est super moche. Ouais, mais je m'en fous. Je compte pas l'installer chez moi. Emily a l'air intéressée par le lot. Tant mieux. Qu'elle gaspille son fric. J'aurai plus de chance pour le suivant. Il y a quoi dans ces cartons, à ton avis? Des bouquins. Moi, je dirais de la vaisselle. Moi, j'ai bien une idée, mais je préfère pas vous le dire. Ah ouais? La fameuse technique du « j'en dis plus que je n'en pense ». Maintenant, ils croient tous que je sais exactement de quoi il s'agit. Alors que j'en sais rien. Alors, c'est quoi ton avis? Arrête de te la péter, Bob. On sait très bien que t'as aucune idée de ce qu'il y a dedans. C'est clair. Ah ouais, tu crois ça? Ils ont tous mordu à l'âme sœur. Maintenant, la deuxième étape, je sors mon portable pour faire croire que je me renseigne sur les prix. Hé, hey Bob, c'est pour toi, ça. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Tu regardes quoi? À hentai? Et là, c'est pas tes affaires. T'as raison, la trique des titans, c'est mon préféré. Quoi? Enfin, la troisième étape, faire monter calmement les enchères pour faire cracher un max les autres. Le drap carré, au fond, m'a tout de suite tapé dans l'œil. J'ai dit à ma femme, « Janet, t'as vu ce truc au fond? Je suis sûr que c'est un tableau. » Ben, t'as vu le truc au fond? Mmh. Je suis sûr que c'est un tableau. Ah bon? Ça ferait bien pour décorer le salon, tu trouves pas? Mais... Oh! Ben est vraiment rabat-joie. Dès que je trouve un objet pour nous, il veut tout de suite le revendre. Je suis là, tu sais. Top! C'est fini, nous allons pouvoir commencer les enchères. Le prix de départ est fixé à 100$. 100$ pour le lot de ce conteneur. 150! 150 pour Emily, 150 mesdames et messieurs, et on passe à 200. Même pas en rêve. 200$, 250 pour Ben et Janet. J'ai cru 300. En 300, oui. 300 pour Bob, bien joué mon pote, 300$, c'est une offre correcte. Allez, allez, je veux voir vos mains se lever, sinon c'est Bob qui remporte. 500. Emily, tu es en forme, c'est top, 500$ pour la New-Yorkaise. Qui en veut pour plus? 600 était pas mon pote. Nous sommes t'es à sérieux? 600$. Tout ce qui est plus sérieux, ma jolie. Allez, il va l'avoir. On relance. 600, hors de question. T'es sûr que tu voulais le tableau? C'est sûrement une merde. Emily monte à 650. 650 pour Emily, peut-être à 700. Quelqu'un pour 700, quelqu'un. 700$. Oui, 700. Tu veux vraiment slow? Je l'ai dit, je sais ce qu'il y a dedans. Comme tu voudras. Ça te dit pas de mettre plus? Non, ça va aller, merci. 750 pour l'un d'entre vous? Non? Adieu, j'ai pour Obama 700$! Face à Emily, Bob fait l'acquisition de ce lot pour 700$. Alors Bob, y avait quoi dans ces cartons? C'était pas censé se passer comme ça, merde! Je me suis retiré trop tard, comme disait mon ex-femme. Maintenant, je m'en trouve avec un lot de trucs invendables à 700 balles, c'est pas vrai! Bob m'a vraiment prise pour une c***. Il croyait m'avoir avec ses vieux trucs. Je l'ai vu venir à des miles. Il s'est fait prendre à son propre piège. Bien joué! C'était une belle occasion! Ouais, t'as fait une affaire. Ouais. Merci. Trouduc. Quel techno! Je suis dans la mouise! Bob a eu ce conteneur, malheureusement, contre son gré. Espérons que le contenu des cartons lui soit favorable. Bon, j'espère que c'est pas complètement un désastre. C'est que c'est plutôt léger pour la taille que ça fait. Aïe! Oh, c'est pas vrai! Des vêtements pour enfants. Mince alors! Qu'est-ce que je vais en faire de tout ça? Jouer en magasin? C'est pas vrai. Ça t'intéresse pas, toi? Je suis caméraman. Et alors? Moi, je suis bien plombier. À part les filets aux chiens de ma frangine, je vois pas ce que je peux en faire. Poubelle. Ça, c'est déjà plus intéressant. Je pense que je peux vendre ce miroir pour 80$. L'espoir fait vivre, mais ne te regarde pas trop dedans, Bob. Tu vas l'abîmer. Bon, voyons voir ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'y connais rien en art, mais mon flair me dit que je vais pouvoir me refaire avec ce tableau. C'est pas mon style, mais je suis prêt à parier qu'il y a des mecs à l'autre bout du pays que ça intéresserait. Plus c'est moche, plus c'est cher. Bob peut en attendre une centaine de dollars. C'est pas la Joconde, mais elle redonne un peu le sourire. Mais putain, c'est vrai qu'elle est moche. Et cette télé là, ça donne quoi? Une vieille télé. Vraiment vieille. J'ai même pas envie de regarder si elle marche ou pas. Poubelle. Et ça là, vous croyez que ça flambe bien? Cette commode est à gerber. Même les années 60 n'en voudraient pas. On dit que le vintage revient à la mode, mais quand même, il y a des limites. Poubelle. Faut que je la sorte de là. Allez, viens là, toi. Ah. Eh ben, moche et increvable. Tu parles d'un boulet. Faut que je demande sa remorque à Steven si je... Et là, c'est quoi ce truc? On dirait que Bob a trouvé un petit coffret dans le tiroir. Y a quoi là-dedans? C'est... des boussoles? Non, c'est des montres! Des montres à gousset! Waouh! J'ai toujours rêvé d'en avoir une. Elles ont l'air anciennes, dis donc. Bob est tombé sur un gros lot! Trois montres à gousset plutôt bien conservées. Elles sont plutôt bien conservées? C'est ce que je viens de dire. Et elles ont l'air anciennes. C'est super. Je connais un antiquaire que ça pourrait intéresser. Je vais lui passer un coup de fil. J'ai eu de la chance de tomber sur cette collection. Sinon, c'était vraiment la dèche. Bob partait vraiment mal sur ce lot. Heureusement, grâce au tableau, au miroir et surtout à sa veine de cocu qui lui a permis de trouver des montres, il peut espérer gagner 650$. Pas de quoi couvrir ses dépenses, mais au moins, il sauve les meubles. Enfin, sauf la commode. Ok, mesdames et messieurs, voici tout de suite le deuxième lot. Waouh! C'est incroyable! Là, c'est une occasion en or, il nous la faut! Et cette fois, on la revend! Oui, oui, bien sûr. Alors là, c'est le jackpot! Ça y est, bordel! Les choses sérieuses commencent! Eh oui, vous l'avez deviné, sous ce drap se cache une voiture. Reste à savoir si celle-ci vaut le coup ou non! Et pas vous bolide à vous de voir, vous avez 3 minutes pour vous décider! Ce lot va donner du fil à retordre à nos piges, à nos acheteurs! Il s'agit d'une voiture, certes, mais laquelle? Et dans quel état? Parce que pour l'instant, elle est dans l'Ohio. Elle est assez petite, tu trouves pas? Et par rapport à la nôtre, c'est sûr, on a un pick-up. J'ai bien envie d'arracher ce drap tout de suite. On peut peut-être essayer de le soulever discrètement. Hop hop hop, même pas en rêve. On touche avec les yeux. Si vous la voulez, il faut la payer. Hé, tu fais quoi là? Je mesure, ça se voit, non? T'as pas le droit de rentrer dans le conteneur, espèce d'escroc. C'est vrai ça, c'est de la triche. Mes pieds sont toujours dehors et je touche à rien. Techniquement, j'ai le droit, non? Il se fout de nous. Hé, c'est pas réglementaire, Jack, ça. Jack, regarde, il a pas le droit de faire ça. Retire-le de la vente. Oh, il a le droit, il a le droit. Tant qu'il rentre pas et qu'il touche à rien, j'y vois pas d'objection. Bon, bah j'avais pas prévu ce genre d'éventualité dans le règlement. On va dire que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et puis ça amène un peu de tension dans le groupe. Ce qui veut dire que les enchères vont grimper. On dirait bien que tous les coups sont permis. Ouais, enfin, quand ça marche. J'ai bien une idée. Je vous le dis, j'aimerais bien que ce soit une Aston Martin. Carrément! La voiture de James Bond? Elle en a la forme. Et qu'en pensent les autres? Un capot long et des formes arrondies? Pour moi, ça fait pas de doute. C'est une p*** de Ford Cortina. Moi, je pense que c'est une Corvette. Non, c'est sûrement une A6. Une Audi? Non, Maserati. Parier sur une Ford, mais je suis pas très sûr. Mais vu la poussière qui est sortie du conteneur en l'ouvrant, je sais pas dans quel état elle doit être. De toute façon, j'ai pas l'argent. Moi, j'y connais rien. De toute façon, les voitures aux enchères, c'est toujours un traquenard. Je miserais pas trop dessus. Hé hey Bob, t'es sûr que tu veux pas l'acheter? Ça te changera de ta camionnette de redneck? Va te faire mettre! Ok, le temps de la réflexion est terminé, place aux enchères! Allez, c'est parti! Ouais! Le prix de départ est de 500$! 600! S'il vous plaît, du calme! 600 pour Harold! 700! 700 Jenny! 750! 750! 800! Non, 800! 800$! Ici! J'ai 850 ici pour Janet et Ben! 900! 900 pour Bob! Laisse tomber! 1000! 1000! 1000$ pour 1100. Emily! J'ai 1100! 1200! 1200! Harold monte 1300. À 1200, Emily est à 1300! 1400! J'ai un 1400! 1500! Non, 1500! 1600$! Bob monte à 1600! 2000$! 2000! Mais sérieux? Viens envoyer mon pote 2000 pour Harold! Je suis Harold. Pas ton pote, hein! Sur 2100! Mais stop! 2150! 2150 pour Emily! 2200! 2500! 2500! 2500! Elle a du sport! 2500! 2500! Ah, non, c'est mort pour moi! Je les ai pas! Ok, pour Emily, 2500! Bravo, Texas! Bon, ok. Je suis trop contente. Une Aston Martin à 2500$, c'est l'affaire du siècle. Je la voulais bien, cette s**prie de caisse, mais bordel, à ce prix-là. Mais 2200 était déjà très généreux. Trop généreux. Un prix de départ à 500$, c'est plein de douche. Il y avait, comme qui dirait, aiguille sous poche. Non, attendez. Je sens qu'il y en a encore une qui a dépensé plus que ce que ça vaut. Va falloir qu'on mette le paquet pour la suite. Parce que pour l'instant, on rentre les mains vides. C'est en div sous cloche. C'est ça, l'expression. J'aurais bien continué l'enchère, mais bon. Je risquais d'être à découvert. Encore. Comment tu dis? T'es sûr? Qu'est-ce que je ferais d'une vieille voiture? Non, je pense que le prochain lot sera plus intéressant. J'ai hâte de la voir, c'est trop bien! Ouais, voilà. Jonquille sous torche. Quoi? Voyons voir ce que notre antiquaire de New York a acheté pour 2500$. Parce que mine de rien, moi aussi j'ai bien envie de voir ce qu'il y a sous cette bâche. Allez, on y va! 1, 2, 3! Oh, elle est jolie! Qu'est-ce que c'est? Oh non, c'est pas la voiture de James. Je voulais tellement... Mais elle est quand même belle. Le logo me dit quelque chose. Je vais regarder sur Internet. Il va falloir que je refasse la peinture. On voit des rayures un peu partout. Et puis j'aime pas la couleur. Il faut que je vérifie si elle démarre aussi. Bon alors, Emily, c'est quoi son petit nom à cette voiture? Attends, oui, c'est celle-là. Renault Frégate. Une française. Je savais pas que Renault avait fait des belles voitures. Elle démarre! Les rétroviseurs sont pétés, merde. Ça plus les phares arrière, ça va me coûter cher en réparation. Sans compter l'état des pneus. J'en ai vu une sur le net à 7000$. Si je me débrouille bien, je peux peut-être vendre celle-ci à ce prix-là. Mais cette fois, c'est moi qui serai du bon côté des enchères. Emily espère tirer 7000$ de la revente, moins les 2500 de l'achat, et probablement 1000 pour les réparations. Elle peut espérer jusqu'à 3500$ de bénéfices. Bien joué! Ok, c'est le dernier lot de la journée, soyez bien attentifs! Cette fois, je laisse pas passer. C'est ça ou rien. Va falloir qu'on achète un truc quand même, on est là pour ça. Tu te fous de moi? C'est toi qui refuses tout depuis le début. Ah, mais tu peux prendre tes décisions tout seul, tu sais. T'es un grand garçon maintenant. Hé, hey, poussez-vous là! Hé! Hey, mais c'est mec. Quoi, c'est tout? Hé, hey, Jack, il manque des trucs dans ce conteneur! Si t'es pas content, tu te casses. Non, non, mon pote, tout est là. Et d'ailleurs, on aimerait bien voir. C'est bon, t'as fini ton numéro? Allez, dégage! Putain, je l'avais dit que ce coin craignait. Ils ont mis toute leur dans les conteneurs en espérant qu'on se batte pour les avoir. C'est vraiment du foutage de gueule. Harold commence vraiment à me les briser. Je me demande vraiment ce qu'il fout là. Quel gamin. C'est pitoyable de voir ça. Ouais, c'est ça, ouais. Va faire la tête ailleurs. Ouais, va faire un tour, ça te fera du bien. Ben, concentre-toi un peu sur le lot, tu veux? Ouais, t'as raison. Tu crois que c'est quoi cet animal? Un élan? Ouais, j'ai l'impression. Il te ressemble un peu, non? Ah, très drôle. La tête d'élan paillé fait vraiment flipper. Si j'achète ce lot, c'est le premier truc que je revends. T'as vu la caisse au fond? T'as une idée de ce que c'est? Ouais, sûrement un réfrigérateur. Pourquoi on l'aurait mis dans une caisse? Je sais pas, c'est peut-être du haut de gamme. Au début, j'ai cru que c'était un meuble. Genre une bibliothèque en palette, vue de côté. Regarde la taille du machin! Je me coupe une couille si c'est pas un frigo. Mais en même temps, ça pouvait pas être autre chose qu'un réfrigérateur. Ben est persuadé que c'est un frigo. Mais moi, je pense que c'est une borne d'arcade. Genre Donkey Kong ou Space Invaders. Oh, j'aimerais bien. Piu, piu, bah! Ouais, carrément. J'ai cru voir un sac de sport derrière les bâches en plastique. Il a l'air rempli. C'est dommage parce que les articles de sport d'occasion, c'est pas vraiment ce qui se vend le mieux. Après, ça peut être n'importe quoi dedans. Elle est jolie cette pendule. Ouais, pas mal. Par contre, j'ai pas l'impression qu'elle fonctionne. Faut voir. Je pense qu'il doit y avoir des trucs intéressants dans le sac de sport. Du style des chaussures de ski ou du matériel d'escalade. Je vois bien la pendule dans la vitrine de ma boutique. vente chère. Ok, très bien, c'est fini. Le prix de départ est de 100$. 100$. 110. J'ai 110 pour Ben, 120 pour Jenny. 130. Emily monte 140. À 130. Non, 140. Ben et Janet, 140$. Qui dit 150 mieux 150$. Jenny est à 150. C'est bien joué ça. 160. Et oui, Ben. 160. Ici. Non, Emily, 170. 200. Quoi? Oh non, pas lui, pitié. Hey, qu'est-ce qu'il fout là? Il revient maintenant, lui. Et attendez, c'est réglementaire ça? Mais putain, bien sûr que c'est réglementaire. Hein, Jack? Bien sûr, mon pote. Ah, voyez. Par contre, je suis pas ton pote. Oh, bon. Bah, voyons. Nous disons Harold pour 200$. Mesdames et messieurs. Y a-t-il quelqu'un pour surenchérir? Non. 210. Ah, 210 215. Ici pour Ben. 215. 220. 220 pour Harold qui est en forme. Il y a intérêt. 250. Oui, Janet, 250. Ça commence à monter. Je suis sûr qu'on peut faire mieux. 260. J'ai 260 ici. 270. Non, 270 pour Harold. Ça monte, ça monte. Est-ce que ce lot intéresse quelqu'un d'autre? Ils vont pas nous lâcher. Allez, allez. 300. Oui, j'ai 300 pour Janet et Ben. Qui pour 310? Fais ch... Une fois. 300 deux fois. Trois fois. On va la voir. Adjugé à Janet et Ben, oui, pour 300$. Yes. Oh, super, bien joué. Ça m'énerve, on trouve jamais des trucs intéressants dans ce genre d'émission. Je crois que je vais arrêter. Dommage, la pendule était intéressante. Après le reste, bof. Moi j'ai plus d'argent. La seule consolation que j'ai, c'est de savoir qu'Emily s'est fait piquer ce dernier lot. Je suis contente qu'on ait enfin pu avoir un lot. Ouais, enfin, le but c'était pas non plus d'acheter n'importe quoi. Mais non, t'inquiète pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ça déjà. Léon, ouais, tu crois que ça vaut combien un truc pareil? Si on en tire 50$, ce sera déjà pas mal. Ouais. Tu me tiens le sac de sport, s'il te plaît? Ouais, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Moi, je vais jeter un œil à la pendule. Cette pendule n'a pas l'air de fonctionner. Après, ça vaut peut-être le coup de la remettre en service. Je crois savoir que ça peut se revendre au moins 200$. Au moins. On peut déjà rembourser une bonne partie des dépenses avec ça. Nickel! Ah, le sac de sport. J'avais parié sur des patins à glace, il me semble. Non, pas du tout. Alors, c'est quoi? Des raquettes de tennis. Bon, elles sont pas toutes jeunes par contre. Regarde si elles sont pas signées McEnroe. C'est marqué Connor. Connors? Jimmy Connors? Tu déconnes. Ouais, carrément. Connor. Jimmy Connor. Si elles valent rien, foulez à la benne, Ben. Attends, je vais m'entraîner un peu avec. Service. Pas mal, hein? Viens m'aider au lieu de faire le con. Et le revers. Oups. Aïe, la boulette. La grosse boulette. Putain, mais c'est pas vrai, t'es vraiment qu'un gamin. Je t'avais dit de pas jouer au p***, t'es pas croyable. Tu sais combien ça coûte un truc pareil? On aurait pu se faire un paquet de fric avec ça. Je suis désolé, le truc m'a glissé des mains. Ça accroche pas si bien qu'on croit, hein. En ce qui concerne la pendule, en plus de la remettre en état de marche, il va falloir réparer la vitre que Ben a pétée. Pardon, ma bichette. J'ai l'impression que ce lot va nous coûter plus qu'il ne va nous rapporter. On peut s'en sortir avec une dizaine de dollars, moi je dis. Waouh, ça c'est de la rentabilité, merci. Si ça te dérange pas, c'est moi qui vais fixer les prix. Bah sinon, il y a le poil, là. Non mais t'es sérieux, t'as vu la c*** qu'il a? Je sais pas, je dis ça comme ça. On vendra pas à plus de 20$, c'est sûr. Attends, il reste le frigo aussi. Justement, pas question que tu le pètes aussi, celui-là. Ça va, pour casser un frigo, faut y aller, hein. Je vais quand même passer devant. C'est le dernier truc qui reste. Si ça vaut rien, bah on est foutu, quoi. Ah, surtout ne m'aide pas. C'est toi qui m'a dit que... Aide-moi, ça va tomber. Fais gaffe. Ça va? Merci pour le coup de main, hein. Oui, j'ai même pas eu le temps de... Bon, bref, ça vaut le coup au moins. Pas sûr. C'est pas un frigo, en fin de compte. Tiens, tiens, Ben se serait encore trompé. Oh non, s'il te plaît, dis-moi que c'est mieux. Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je sais pas combien ça vaut, un truc comme Attends, laisse-moi regarder. Oh, putain, c'est une vraie. Ouais, sûrement. Mais tu crois qu'elle marche encore? Ah, y a qu'un moyen de le savoir. 1, 2, 3. C'est pas le bon bouton. Je me suis trompé de bouton, ouais. Ça marche! Ouais! C'est super ça! Je vais regarder combien ça vaut. Bon, Pac-Man, c'était pas mon jeu préféré quand j'étais gosse, mais je dois dire que remettre la main sur une borne en état de marche, ça fait carrément chaud au cœur. Finalement, c'est encore mieux qu'un réfrigérateur. Et vous savez pourquoi? Ben, regarde! Attends, je commence à être bon là! Regarde ce prix! 800$, j'y crois pas! C'est tout simplement incroyable! Et encore, ça c'est le prix minimum! Je suis sûre qu'on peut aller au-delà! On peut! Dépasser les bornes. On a tellement bien fait de le prendre, ce lot. Eh, j'ai l'œil, hein. Ouais, enfin, c'est surtout moi qui le voulais à la base. Attends, tu rigoles? C'est moi qui insistais pour que tu prennes. Ne commence pas à inverser les rôles, s'il te plaît. J'inverse pas. Sans moi, on l'aurait pas eu, c'est tout. En attendant que Ben et Janet se décident à savoir qui avait raison, mais c'est sûr que c'est Janet, jetons un œil à leur gain. 50$ pour une tête d'élan, pareil pour la pendule à cause des réparations, 20 pour un poil et 800$ pour Pac-Man. Avec les 300$ qu'ont coûté ce lot, le couple réalise un bénéfice de 620$. Putain, mais c'est vachement plus que ce que je gagne pour faire cette voix off. Cette semaine encore, les enchères ont fait des heureux et des moins heureux. Et peut-être qu'un jour, c'est vous qui monterez des enchères en participant à notre émission. Envoyez enchères au 8-12-12, 23$ par SMS plus prix d'un SMS. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Enchères et en os. Eh ben, ça nous fait un bon pactole. Je suis contente qu'on ait acheté celui-là. Merci, Pac-Man. Non. J'ai pas fait exprès. Ben, reviens ici. C'est pas ma faute, elle était mal fixée. Tu vas rembourser chaque scène sur cette borne.